Prononciation, intonation, exercice 77. Changer d'intonation. Parti en vacances sans moi, il, elle n'a pas donné signe de vie. Quand il, elle rentrera, que lui dirai-je? Répétez. Indifférent. Comment vas-tu? Agressif. Tu aurais quand même pu donner de tes nouvelles. Passionné. Tu vois dans quel état je suis. Délicat, léger. Tu sais, j'ai été quand même un peu inquiète.